ramène après nous. Je veux un peu marcher à pied. Ciel, te vois-ci. Quoi, mon frère, vous voilà avec notre ennemi mortel. Ennemi mortel? Oui. Je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Oh, traître, il faut que tu périsses. Mon frère, arrêtez. Je lui suis redevable de la vie. Et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Et voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre. La reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté. Je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance et lui laisse la liberté de jouir pendant quelques jours du fruit de son bienfait. Non ! Non, c'est hasarder notre vengeance que de la reculer, et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugnez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer. Et laissez à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce, mon frère. Tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il m'arrête, vous dis-je. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ces jours. Et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser beaucoup, il faudra que vous me perciez. Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi. Et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres. Une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison. Et non pas par l'emportement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi. Je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante. Au contraire, elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. Dans l'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Bon, Jean, voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois. Et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux pas vous obliger à expliquer ici vos sentiments. Je vous donne le temps de penser aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Je vous fais juge, vous-même, des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quelque choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Et vous ressouvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous. Et vous tiendrez ce que j'ai promis. Allons, mon frère, un moment de douceur ne fut aucune injure à la sévérité de notre devoir.